toi mon frère, mon ami, t'es parti en voyage. Chercher du bonheur pour toi mon frère, mon ami, des nouveaux paysages. Sans déshonneur, ici les armes nous protègent de la pluie des nuages. Par leur verdure, oui tous les arbres nous protègent sous leurs feuillus branchages. Verte parure, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Sans ta présence, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Prends-toi mon frère, mon ami, j'ai toujours tes couverts. À notre table, viens donc mon frère, mon ami, car chez moi c'est ouvert et confortable. Angers au mois de juillet, écoute par ses fenêtres de la musique. Moi j'aime le mois de juillet où je me sens renaître. En ondes magiques, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Sans ta présence, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Prends-toi mon frère, mon ami, pourquoi le vent te pousse? Je le devine, sans toi mon frère, mon ami, notre air n'a plus sa douce. Orange vide, nos écailles d'ardoises fines préservent les maisons. Du vent frileux, les écailles d'ardoises fines coulent nos horizons. D'un reflet bleu, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Sans ta présence, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Prends-toi mon frère, mon ami, tu traverses mille morts. Pour ton plaisir, sais-tu mon frère, mon ami, que ta ville t'adore et te désire. Je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours. Sans ta présence, je rêve ton retour, je crève de ton absence, je compte les jours.